Argile, bah c'est les... pas du... Ah, j'ai sauté une ligne. On oublie, on recommence. Après Vorga, on va attaquer l'aspect française avec une ouverture, avec une formation tourangelle, Aro Aura, qui vient de sortir son second album studio The Twelfth Hour. Un artwork soigné, une réussite musicale complète. Un album généreux hein, qui dépasse les 40 minutes. Plus frontal que le précédent album. Et c'est surtout le premier effort studio avec leur nouveau chanteur Quentin, qui est surtout connu en Touraine pour avoir été de longue date le batteur de Mindslaved. The Twelfth Hour, une sortie chez Clonosphère. On s'écoutera le titre Today, Pacifist, qui a été agrémenté d'un magnifique clip scénarisé. N'hésitez pas à aller le voir, parce qu'il est vraiment chouette. Corpus Diabolis, ensuite Elixiria Ectasis, formation qui nous vient de Marseille. On est sur du Black Death bien occulte. C'est le cinquième effort studio. Il est déjà disponible, une sortie Les Acteurs de l'Ombre. Et on s'écoutera le morceau Carnal Hypnody. C'est parti. Yeah. 21h20 à la pendule de Radio Béton, on est toujours dans l'aspect française de l'émission Hellbanger de ce soir. Et donc la doublette française à venir, et ben on va l'attaquer avec une nouveauté. Argile, tous ceux qui connaissent Misanthrope connaissent Argile, puisque c'est... alors, c'est pas antérieur, mais c'est, ça a été créé pas grand chose près dans les mêmes premières années de Misanthrope. Argile, de base, c'est le projet plus perso du chanteur, hein, Philippe SS de l'Argilière. Et au fil des années, c'est un peu tout le line-up de Misanthrope qui a rejoint ce projet Argile. Jusque là, tout récemment, ce nouvel effort studio, le troisième, où c'est 100% Misanthrope dans le line-up. Le précédent album de Argile, en termes de sortie, ça prend le temps. Hein. 2002, le premier album. 2010, le second. 2024, le troisième. Spleen Angel, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme... similitude, au contraire, comme disparité par rapport à Misanthrope. Bon, déjà, c'est du chant 100% en anglais. Ça va chercher beaucoup plus loin en termes de richesse musicale. Alors, n'allez surtout pas croire que je dis que Misanthrope, on s'est chié. Bien au contraire, c'est ultra riche, déjà, Misanthrope. Mais là, ça pousse encore plus. Misanthrope, ça reste très codifié, quand même, leur musique depuis des décennies. Argile, c'est vraiment du métal avant-gardiste, encore plus, au sens encore plus large. Voilà, on va arrêter de blablater et s'écouter directement un extrait de ce nouvel effort studio. Une sortie, bien évidemment, sur le label Holy Records, hein, le label historique de Misanthrope et surtout de SS de l'Argilière. Et en doublette avec Argile, une toute jeune formation nantaise, Behold the Monkey. On est sur du desert rock, stoner rock. C'est un premier EP qui voit le jour, c'est très bien fait, et puis ça permet un petit peu de faire respirer l'émission de ce soir. C'est une jeune femme qui tient le micro, et Beyond the Monkey, un groupe à découvrir. The Incoming, c'est le nom de leur EP, on s'écoutera le morceau First to Go, et juste avant ça, donc Argile avec le titre Mal d'Aurore. We'll be right back. 21h30, passé à la pendule de Radio Béton. Avant de clôturer l'aspect française, on va un peu parler concert et un petit report du concert auquel on a pu participer tous les trois vendredi au Temps Machine. Ouais, tout à fait. Un concert, on va mettre sur l'étiquette du Doom dans son sens le plus large. On avait trois groupes à l'affiche, donc le groupe Dionysac, il y avait Jade, et en tête d'affiche, nous avions Bellwitch. On va commencer par le début de soirée. Donc c'était une soirée organisée par Catharsis déjà. Exactement, donc, dans le club du Temps Machine. Voilà. Voilà, le lieu super cool. On va dire les choses un peu évidentes maintenant avec le Temps Machine, hein, mais toujours un travail au light que j'ai trouvé très appréciable sur toute la soirée, et surtout, comme toujours, un son parfait. Oui, oui. Impeccable. Qui fait vraiment honneur au groupe et à ce qu'ils viennent nous proposer, ce qui rend les soirées encore plus intéressantes et encore plus appréciables. Carrément, et d'autant plus sur ce type de groupe, on en reparlera sur Bellwitch, mais d'autant plus sur des groupes comme ça, où la qualité de son a une importance particulière. On commence donc par Dionysac, qui m'ont bluffé. Ouais, groupe qu'on a diffusé jusqu'à la semaine dernière dans l'émission en plus, formation qui nous vient d'Alsace. Ouais, et moi si personnellement sur CD j'avais trouvé que c'était un petit peu poussif, un petit peu too much, notamment au niveau du chant. Là j'ai trouvé qu'il y avait, vraiment quelque chose qui se dégageait du chanteur en particulier. Bon, il y a un petit mood un petit peu sale gosse sur scène, ils en ont un peu rien à foutre, ils font genre qu'ils en ont un peu rien à foutre d'être là. Et c'est assez plaisant à ce niveau-là parce que bon, ça fonctionnait plutôt bien, c'était pas trop lourdingue, donc j'ai trouvé que c'était un peu legit, parce que t'es un peu bourré sur scène, des branleurs qui descendent des bouteilles de vin, qui sont pas tout jeunes en plus. Et ouais, musicalement, c'est tellement riche, c'était tellement mis en valeur justement par un son de qualité et un chanteur qui faisait le taf de ouf avec une palette vocale monstrueuse, c'était vraiment vraiment cool. Ouais, une très très bonne ouverture de soirée et ouais, cette espèce de doom heavy assez dynamique, hein, donc complètement paradoxal par rapport à ce qu'on pourrait attendre habituellement du doom. Voilà, une espèce de doom and roll. Et, ouais, ce que j'allais dire, c'est complètement doom and roll. C'était quoi. Vraiment chouettos comme ouverture de soirée. Ouais. Ensuite, nous avions les Espagnols de Jade. Ouais, alors que dire, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa, fallait pas que ça s'éternise parce que peut-être un petit peu redondant sur le set, au bout d'un moment on a compris la recette, donc c'est du Death Doom, c'est pesant, c'est bien rampant, bien caverneux comme il faut. Après voilà, fallait pas que ça s'éternise un peu parce que ça se répétait peut-être un petit peu dans l'écoute et ça a joué quand même 40 minutes je crois. Ouais, enfin, de toute façon les temps de jeu étaient plutôt généreux, ouais. Et effectivement Jade, ouais, moi j'ai trouvé que ça allait vraiment chercher dans limite aux frontières du Death Gothic, Dark Death, un peu scandinave, enfin moi j'ai vraiment l'impression d'entendre des grosses inspirations Paradise Lost, ouais. Voilà, c'était cool, mais effectivement il aurait pas fallu que ça dure deux morceaux de plus parce que là on aurait malheureusement sombré dans le bah pff, ok ouais. C'est cool, mais ça serait bien que ça s'arrête complètement. Et donc on arrive, enfin donc la tête d'affiche Bellwitch, moi c'était la seconde fois que je les voyais parce que je les ai vus cet été au Motoc, conditions donc complètement différentes, hein, en plein après-midi festival, en plein après-midi et là en salle dans une ambiance plutôt intimiste parce qu'on était quoi, une bonne centaine dans la salle. Ouais, je pense qu'il y a une centaine de personnes passantes sur la soirée au niveau de la billetterie. Et du coup, on était quand même dans un contexte complètement différent. Et c'est une expérience à vivre, Bellwitch sur scène. C'est vraiment une expérience à vivre. C'est du doom, funeral doom même, et avec des influences et des ambiances qui peuvent se rapprocher du drone. Exactement. J'ai vraiment vraiment pris un assommoir sur la tête au premier coup de batterie parce que ça arrivait un moment où j'étais concentré sur les mélodies qui étaient en train d'être jouées à la guitare et c'est un groupe, tu sais, qui a je trouve ils ont un amour du son, une technicité dans leur approche du son. C'est des geeks les gars, c'est des geeks, comme c'est toi qui me l'as fait remarquer, mais c'est vrai, c'est des geeks les gars qui aiment les sonorités. Ils ont une recherche du son, de la justesse d'un... rien que la batterie, enfin, faut en parler quand même, la batterie. Oui. La batterie, c'est une montagne sur la scène qui sert de batterie avec un énorme gong derrière lui, une barre qui lui sert. J'ai pas les noms techniques, mais ouais, ça fait une résonance de cloche et ouais. Bah autant d'éléments de batterie, on va dire classique organique, que d'éléments de batterie électrique, avec effectivement cette espèce de tome plus large qu'une grosse caisse de 26 pouces, avec forcément un son de basse ultra profond. Au pied, il avait ces éléments de batterie classique, plus j'ai compté 6 pédales qui donnaient des sonorités d'orgue. Ouais. Voilà, parce que d'abord je pensais qu'il marquait le temps, et en fait non, il enclenchait des résonances, des sonorités d'orgue. Et donc d'un côté il y avait son gong, et de l'autre côté il avait un support à clavier. Un des niveaux il y avait un PC, et à l'autre niveau il y avait un pedalboard à faire pleurer tous les gratteux néoclassiques. Et en fait, il était tout le temps en mouvement. Il était des fois hyper recroquevillé sur lui-même, justement en transe totale. Et au contraire, il y a des fois, il bondissait un peu de tous les côtés pour aller capter le son, faire bouger ses pédales d'effet. Un batteur de base, le mec. Ouais. Et en face de lui, parce que du coup, c'est un duo sur scène, en face de lui, un bassiste avec déjà une 7 cordes, ce qui est pas ouais. banal. Et pareil, full pédale d'effet. Donc le bassiste faisait des nappes de chant qu'on va appeler claires. Mmh. Et le batteur, en plus de tout le merdier qu'il faisait des parties plutôt grôles. Ouais. Le groupe est soutenu sur scène par un écran géant. Ouais, qui était hypnotique. Vraiment des images alors très à la fois nature, ritualiste, un peu païen aussi, enfin dans le message qui dans ce qu'on pouvait en comprendre des c'est images ça. Aussi, parce qu'il y a des fois on se faisait complètement perdre parce qu'on était en train de regarder. Ouais non, c'est de toute façon c'était sur scène, en tout cas c'était vraiment, c'est une expérience méditatoire hein, ce qui se passe sur scène. Ça a joué quoi, 1h15 je crois. Ouais, c'est 1h15 de méditation et d'introspection. Tu vis le truc avec des gens autour de toi, mais t'es tout seul à ce moment-là. Enfin... Ouais, c'est vraiment... ça m'a renvoyé clairement au concert de Sun, au concert de Warning, de Earth. Ouais. C'est une transe, en fait. Vraiment, après, on y adhère ou on n'y adhère pas en termes de ressenti. J'avais fait ça également l'année dernière avec Amenra, où en fait, voilà, au bout de 15 minutes, ça commençait à me tirer dans le dos. Je me suis assis dans un coin de la salle et ça permet, enfin, c'est une expérience sensitive au sens large. C'est pas juste, je vais voir un concert. Non, c'est vraiment une expérience sensitive. Toutes les vibrations, toutes les résonances, toutes les sonorités, c'est extrêmement riche. Et effectivement, là, gros accent sur les rythmiques massives. Forcément, coucou le funeral doom. Et en fait, c'est pareil, visuellement, deux mecs sur scène, on en a fait rapidement le tour. L'écran derrière, hypnotique, on peut rester fixé dessus et on se détache un peu de la musique. Ou alors, au contraire, on ferme les yeux et on se met 100% sur la musique. Moi, j'ai alterné un peu tout ça. Effectivement, c'est une expérience très très forte, Bellwitch. Et après, je pense que ça vaut pas non plus de les voir quand il fait 40 degrés à 16 heures, entouré de trous de balles avec des chapeaux à fleurs. Par exemple, c'est pas la même expérience. Après, j'avais passé un bon moment parce que c'est un groupe que j'aime et que j'arrive généralement à trouver un endroit pour pouvoir me poser et faire un peu abstraction d'un environnement qui n'est pas forcément adéquat par rapport à l'expérience. Mais là, ouais, en salle, et encore une fois, big up aux Temps Machine qui nous ont offert un son qui a mis à l'honneur le groupe et qui a permis de vivre l'expérience vraiment, vraiment de façon profonde, je trouve. Exactement. Donc, on verra l'an prochain pour la prochaine date métal du Temps Machine. Hein. Voilà, l'année dernière, c'était une soirée plutôt hardcore. Là, c'est une soirée doom. Voilà, vivement l'an prochain. Une autre grosse soirée qui se profile, soirée sur deux jours, dans les mois à venir, la 8e édition du Ripfest. Alors on va pas se détailler toute l'affiche, elle est largement disponible en ligne, etc. Puis je pense qu'on recevra Emile d'une manière ou d'une autre dans l'émission quelques temps avant le festival. Qu'est-ce que t'as retenu toi dans les noms? Qu'est-ce qui te hype? Ça t'apprendra à prendre l'apéro en même temps qu'on est en train de faire l'émission. Mais je te souhaite de te mordre la langue. En plus c'est du sel que tu bouffes, ça va bien t'arracher la gueule. Je te laisse meubler pour l'instant. C'est parfait. Tu veux du beatdown, il y a Words of Concrete. Tu veux du gros classique, bien sing-along, il y a Knuckle Dust, voilà, les vétérans anglais. Flaming Moose, très bon groupe de death, hardcore death, un peu baveux, qui nous vient des US, et qui seront en tournée avec Judiciary, qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques temps au Hellfest. Ouais, ça pour le coup, je suis très très content de pouvoir revoir Judiciary, parce qu'il y a vraiment... Il y avait vraiment une énergie et un impact, comme on peut dire, sur scène quand on les a vus au Hellfest, en espérant de les voir dans des conditions où ça remue un peu devant la scène en dehors du gentil petit pogo qu'on a vu au Hellfest. Non, faut que ça moche avec des couteaux. Voilà. Et là, du coup, on n'a pas deux, mais trois headliners sur le festival. Donc, on a The Acacia Strain qui clôturera le vendredi soir. Alors, je sais que c'est une scène qui était complètement passée à côté quand ouais. c'était tendance il y a une quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une scène, je suis passé complètement à côté de ce style. Je sais que ça va attirer du monde, qu'il y a des gens qui sont ultra fans. Moi, je suis passé à côté complètement. C'est pas du tout ce que j'écoute dans ma vie. Voilà. Dans mon existence. J'ai pas grand chose à en dire. Ça fait partie de ces groupes voilà, qui commencent à dater, qu'on expérience d'une bonne 15-20aine d'années. Mais ça reste toujours très actuel. Acacia Strain, le gros metalcore qui va tendre vers le deathcore. Ça reste ultra patate, ultra énergique sur scène. Et effectivement, il y a une grosse fanbase, même en France. Et on espère en voir quelques échantillons le vendredi soir. Et la doublette du samedi, Birds in Row et Arms Way. Alors c'est ultra cool déjà de voir un groupe français aussi haut à l'affiche, et Birds in Row ne démérite pas. Ce sera la fausse pause avant Arms Way, Birds in Row. Ouais, bah Birds in Row, moi c'est un groupe que je porte beaucoup dans mon cœur, que j'ai vu maintenant une belle palette de fois. C'est toujours très touchant, c'est un groupe qui a une vibe... C'est quoi, c'est du... On va dire post-hardcore dans sa globalité, parce qu'ils proposent du scream, il y a beaucoup de screamo également dans ce qu'ils font. Et c'est une musique qui est touchante, qui est profonde. Ça parle de sujets de société, ça parle de sujets d'émotions, de personnes. C'est toujours réussi et humainement, c'est des crèmes dans ce groupe. Donc voilà, venez les voir, ça va être vraiment chouette. Voilà, ce sera pas forcément le groupe sur lequel il y aura le plus de mouvement. Par contre, juste après, Arms Way, là, ce sera l'occasion de finir de mocher tranquillement avec un parpaing dans les bras et de se faire des câlins pour clôturer cette 8e édition du Ripfest. Ouais, bah on se dira au revoir, ouais, comme tu dis, avec un échange de courtoisie et de politesse. Voilà. On enchaîne et on clôture l'aspect française avec Alchemia, formation qui nous vient du nord de la France. On est sur du black metal, c'est le premier album, il s'intitule Abraxas. On retrouve notamment dans le line-up en termes de musiciens connus ASA, ancien vocaliste de Asiard, qui tient la basse dans Alchemia, et un groupe pour lequel on va suivre les péripéties dans les années à venir, parce que ce premier effort studio est très intéressant. Une sortie mal permisita record, et on s'écoute le morceau Transhumanization, c'est parti. We'll be right back. 21h49 à la pendule de Radio Béton. On commence à s'approcher du dernier carré de l'émission de ce soir. Et on réouvre, j'allais dire le turbo, pas du tout, le micro pour l'ami Thibaut. Ça, je fais un mélange des deux. La fatigue commence à se faire sentir, on commence à raconter n'importe quoi. C'est parfait. Voilà, tu prends la parole pour le second vrai focus de l'émission de ce soir. Ouais, second et donc dernier focus de la soirée. Critical Defiance, un groupe qui nous vient du Chili, formé en 2010. Il nous propose du trash, on va dire dans ses grandes lignes, c'est du trash. Ils en sont à leur troisième album, ils sont donc formés en 2010, mais ils ont fait leur premier album seulement en 2019 avec Misconception, un premier album qui était déjà de très bonne qualité, peut-être un peu plus heavy que ce qu'ils vont faire par la suite. Moi je l'ai trouvé très très sympa. Il y a déjà un son et des compositions qui sont de très bonne facture, et déjà on va s'arrêter là. On est sur du trash chilien avec du son de bonne qualité dès le premier album. On est quand même sur une exception parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir un son aussi déjà moderne entre guillemets. C'est pas non plus un son, death moderne actuel, mais on est quand même sur un son de bonne qualité, un enregistrement de bonne qualité pour un premier album. On a plus l'habitude d'entendre des trucs d'enregistrement de garage. Venant de cette scène. Donc voilà, c'est déjà un premier point. Sachant que, un petit indicateur, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais quand on regarde l'artwork du premier album, au niveau du logo du groupe, on est plus proche d'un logo de groupe à la sauce Vector que justement un groupe de trou trash cartouchière. Ouais, complètement, mais ça en est pas. Ça vient du Chili, donc il y a forcément toute cette base d'inspiration de cette musique qui vient de là-bas. Mais on se rapproche effectivement plus de groupes comme Vector, comme tu dis, ou d'autres du même acabli, qui proposent quelque chose de un peu plus moderne, un peu moins rentre-dedans et trou trash, comme on peut avoir. Donc en 2022, No Life Forms, un album un peu plus cradingue, un peu plus violent que ce qu'ils ont proposé précédemment, et justement le côté heavy va passer un petit peu plus à la trappe. Et je l'ai trouvé sympa, mais peut-être ma préférence reste sur l'album de 2019. Et donc là, ils sortent leur troisième, The Church Won't Fall. Déjà, on a un line-up. Alors c'est pareil, c'est pas forcément des groupes qui sont très très connus au niveau du line-up. Mais on a des gens qui tournent sur pas mal de projets de trash black. On a le batteur notamment qui a été session chez Morbid Holocaust. Et donc ça, c'est un projet en fait qui est tenu par Holocausto. C'est un one-man band où lui était session, donc il était batteur dans le batteur de Critical Defiance était batteur également dans Morbid Holocaust, et donc ce projet qui est un one man band, et le gars il a une palette de groupes où il a sorti un album par truc dans des projets complètement différents. C'est un espèce de gars de touche à tout qui a fait je sais pas combien de projets. Donc voilà, c'est dans les trucs un peu notables sur le line-up, mais c'est pas des projets très connus. Côté artwork, ben c'est un truc qui est assez réussi, je trouve. Ça rappelle clairement Escher au niveau de ces escaliers labyrinthiques dans la construction de la pochette. Avec, ben on a plein d'escaliers qui montent un peu dans tous les sens. Ça m'a fait évidemment penser également dans le mythe de Barker de Hellraiser, où tu as ce labyrinthe du Léviathan. Moi, systématiquement, quand je vois des escaliers dans tous les sens comme ça, maintenant, je ne peux plus voir autre chose. Et voilà, donc ça m'a rappelé un peu ça, je trouve la pochette réussie, c'est plutôt cool. Et bah, côté musique, on est sur un trash qui est assez rock'n'roll, ça groovote quand même pas mal du tout. Il y a des relents un peu black end également, on verra sur un des morceaux que j'ai choisi tout à l'heure, un morceau qui est pour le coup très orienté black metal, mais voilà, il y a des petites notes d'inspiration black metal qui sont vraiment cool dedans, c'est riche, c'est assez diversifié. Et moi, le trash, je le répète à chaque fois, parce que quand je choisis un groupe de trash, c'est assez rare, parce que c'est un style que je trouve qui peut m'ennuyer assez rapidement, c'est très répétitif des fois. Et là, non, pas du tout, il y a vraiment beaucoup de richesse dans les compositions, au sein de l'album, il y a plein de choses différentes qui se passent. Et rien que dans la conception de l'album, il y a une diversité, t'as des morceaux qui font 7-8 minutes quasiment, et d'autres morceaux qui font moins de 2 minutes. Et c'est des vrais morceaux en soi, c'est des vrais morceaux dans le sens où c'est pas juste des interludes. Et en plus, il y a des interludes dans l'album pour faire respirer un petit peu. Donc c'est quelque chose c'est très riche, très diversifié, avec plein d'inspiration. C'est vraiment, vraiment cool. Et voilà, une belle découverte, une belle claque avec cette sortie. Voilà, moi, je trouve que la pochette d'album la plus belle, c'est leur second effort studio. C'est vrai que je me suis pas attardé dessus, moins, mais elle est splendide. Un peu moins convaincu par celle-là, mais admettons. Le label qui sort ça, c'est Unspeakable... Oh, merde. Unspeakable Axe Records, et c'est un label qui fonctionne en étroite collaboration avec Dark Descent Records, dont on diffuse régulièrement des groupes. J'ai pas d'autre chose à dire. Eh ben, on s'écoute deux morceaux. Laissons la place au trash dans ce cas-là. Critical Defiance, Full Paranoia enchaîné à Bulldog. Si, ce que je voulais dire, c'est que c'est très, très intéressant, donc une quarantaine de minutes, et en fait, il y a trois titres instrumentaux. Ouais, bah, dont un que j'ai choisi pour ce soir, donc le titre Bulldog, qui est un titre instrumental qui est vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, et on s'écoute avec le morceau Full Paranoia, qui est un morceau de black metal, clairement c'est du black metal, et il est vraiment cool également, je l'ai adoré, mais je crois que c'est le second morceau, j'ai oublié le nom, mais le second morceau de l'album qu'on a déjà diffusé, qui est vraiment cool aussi, que je recommande d'écouter. Long Distance, ce titre en question. Critical Defiance, extrait de l'album The Search Won't Fall, c'est parti. Donc on s'approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir avec l'avant-dernière doublette, Final Resting Place, enchaîné à Quantique Lépreux, une doublette qui nous vient donc de l'autre côté de l'Atlantique. Tout d'abord, Final Resting Place, on est sur du Brutal Death avec du hardcore dedans. Après Hate Force tout à l'heure, Final Resting Place maintenant. Ce son de caisse claire. Mouah. C'est un premier EP qui voit le jour là, très sobrement intitulé Prelude to Extinction. Voilà, enfin les présentations sont faites, il y a zéro cordialité, que de la haine, c'est parfait. Une sortie au passage Death Records. On s'écoutera le titre de l'EP. Quantique Lépreux va pas forcément éclaircir la programmation musicale. Le groupe de noir metal venu du Québec qui nous sort son troisième effort studio, Le Bannissement. Voilà, après l'extinction, Le Bannissement, tout va bien. je croyais qu'il y avait un petit morceau, c'était Ta gueule les fantômes. Non, c'est par La gueule des fantômes, pardon, j'ai les yeux qui commencent à fourcher méchamment. Et donc, Quantique Lépreux, on s'écoutera l'extrait Consécration de l'album Le Bannissement. C'est parti, Final Resting Place, Quantique Lépreux. We'll be right back. Histoire de clôturer l'émission de ce soir, dernière doublette avec une toute dernière nouveauté dans cette dernière doublette. No Man, tout d'abord, bah, je vais d'ailleurs passer le micro à l'ami Sylvain parce qu'il a plein d'infos à donner et qu'il me les a donné il n'y a pas longtemps mais que j'en ai oublié la moitié. Ce serait vraiment dommage de pas tout bien dire. No Man donc. Alors No Man, bah, c'est un groupe de punk hardcore américain avec une femme au chant qui est d'origine palestinienne, ce qui est assez rare. Qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Glitter and Spite. Du coup, un punk hardcore bah, assez énervé, très viscéral et engagé, avec des petits relents post-hardcore pour aérer l'ensemble. Donc c'est vraiment bien inspiré et très intéressant. Une bonne découverte sur un label qu'on ne connaît pas du tout en plus. Donc on s'écoutera le morceau God's Neighborhood. Et ensuite, on se passera à un autre morceau de Vorga, un morceau de leur premier album, Striving Toward Oblivion. Donc avec le morceau Last Transmission, histoire de réévoquer un petit peu ce groupe bah, très grande qualité. Et sur ce, on se dira bonsoir et merci. Excellente fin de soirée, excellente fin d'écoute à toutes et à tous. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission pleine de plein de bonnes choses à s'écouter. Et là, on sera de nouveau en différé. Ciao, ciao.